Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Le temps a tellement changé pour moi du jour où j'ai connu Monsieur Proust et où j'ai vécu près de lui, que ces 9 ou 10 années, de 1913 à sa mort en 1922, qui sont celles où il a vraiment écrit son œuvre, sont devenues pour moi une seule année, ou comme toute une vie. Pendant quelque temps, j'ai donc fait la courrière, comme il a appelé cela dans ses livres. Je suis donc venue pour porter les paquets de livres dédicacés. Je ne voyais jamais Monsieur Proust. C'était Nicolas, son valet de chambre, qui préparait les paquets de livres. Il me recommandait de prendre une voiture, ce qui m'arrangeait car je ne connaissais guère encore Paris. Au bout d'un moment, il n'y a plus de livres à porter. Et c'est là qu'on voit la gentillesse et la bonté de Monsieur Proust, et comme il pensait à tout, et n'oubliait jamais rien ni personne. Car alors, il a dit à mon mari, « Votre femme peut continuer à venir si elle veut, au cas où il y aurait une lettre à déposer dans la journée. » Mais avec sa délicatesse, il avait commencé par se renseigner auprès d'Odilon. « Est-ce que votre jeune femme se plaît à faire ses courses? Cela ne l'ennuie pas? Est-ce que cela la distrait comme nous le pensions ?» Et c'est seulement quand mon mari lui a dit que non, ça ne m'ennuyait pas, bien au contraire, qu'il a fait l'autre proposition. « Bon, eh bien, à partir de maintenant, qu'elle vienne tous les jours. S'il y a une lettre ou autre chose, elle ira la porter. S'il n'y a rien, elle n'aura qu'à s'en retourner. De toute façon, ça lui aura fait une sortie. » Et à partir de ce moment, je suis passée tous les jours. Puis, vers décembre 1913, les événements se sont un peu bousculés, boulevard Haussmann. Céline, la femme de Nicolas, est tombée malade. On a dû l'hospitaliser et l'opérer. Pour moi, ce fut le tournant. Avant Nicolas et Céline Cottin, il y avait eu Félicie, la vieille servante de la famille. Si elle n'avait pas vu naître M. Proust et son frère Robert, c'était tout comme. Je ne l'ai pas connue, sauf à travers ce que Proust m'en a dit plus tard. Il paraît qu'elle était excellente cuisinière et qu'elle les gâtait avec ses recettes. Il m'a souvent parlé de son bœuf mode. La gelée était d'un transparent. C'était bon, Céleste, vous n'imaginez pas. Il était si fameux, ce bœuf mode, qu'il l'a mis dans son roman. Nicolas Cottin avait été lui aussi au service de la famille. Il y avait une certaine liberté chez Nicolas, qui tenait au langage de l'office, autrefois chez les parents de Monsieur Proust. Je me rappelle un jour où j'étais passée, j'étais dans la cuisine, il entre, un pantalon sur le bras, furieux, et il me dit, en me montrant le pantalon qui avait une jambe retroussée, dire que je l'avais repassé à neuf en faisant bien le pli, et cet imbécile l'a mouillé en prenant son bain de pied. Il faut que je recommence. Ses façons me semblaient curieuses et m'étonnaient plutôt, ou parfois me choquaient un peu, à cause de mon manque d'expérience des rapports à l'époque. Cela n'empêchait pas Nicolas d'être charmant et dévoué, et je comprends l'attachement de M. Proust pour lui. Moi-même, je n'ai jamais eu à me plaindre de lui. Céline, sa femme, c'était autre chose. Elle est tombée malade, et lorsqu'elle a dû être hospitalisée, M. Proust a déclaré à Nicolas « Il va falloir que nous prenions les dispositions pour que vous puissiez aller voir votre femme tous les jours. Pourquoi ne pas demander à Madame Albaret si cela ne la dérangerait pas d'être là quotidiennement pendant que vous vous rendrez à l'hôpital ?» J'ai répondu à Nicolas que je me ferais un plaisir de rendre ce service, et c'est ainsi que s'est fait l'enchaînement. Nicolas m'a tout expliqué, très soigneusement. Sitôt qu'il a sonné, vous y allez. Vous suivez le couloir, puis vous traversez l'entrée et le grand salon. Là, il y a une autre porte, autrement dit la quatrième. Quand vous êtes arrivé à cette porte, surtout ne frappez pas. Vous entrez directement. Il vous a appelé et il sait que vous arrivez. Surtout, ne lui parlez pas, sauf s'il vous pose une question. Je suis venue et j'ai attendu dans la cuisine. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être un peu anxieuse avec tout le silence de ce grand appartement inconnu où je n'avais pas le droit d'aller, et lui, que je savais là, mais invisible, et que je n'entendais même pas. Le plus drôle est que je ne me souviens pas de m'être jamais ennuyée pendant ces heures d'attente. Je ne faisais rien, je ne lisais même pas. Et pas un coup de sonnette. Pas de visiteur non plus, rien, personne. Cela durait des jours, et je pensais qu'il ne m'appellerait jamais. Nicolas rentrait et demandait « Il n'a pas appelé ?» Je répondais « Non ». Nous bavardions un peu et je partais. Et puis un jour, crac, deux coups de sonnette. Deux coups, c'est pour le croissant, m'avait prévenu Nicolas. Je prends le croissant, je le pose sur la soucoupe et me voilà parti. Je suis les indications. Je traverse l'entrée, puis le grand salon. Je n'ai pas remarqué beaucoup de choses cette fois-là. J'arrive devant la quatrième porte, j'ouvre sans frapper, j'écarte la grosse portière de l'autre côté et j'entre. Il y avait une fumée à couper au couteau. Incroyable. Nicolas m'avait prévenu qu'à son réveil, M. Proust faisait brûler de la poudre de fumigation parce qu'il souffrait terriblement de l'asthme, mais je ne m'attendais pas à ce nuage. La chambre était très vaste et pourtant elle en était pleine et tout épaissie. Il n'y avait qu'une lampe de chevet allumée qui donnait une lumière verte à cause de l'abat-jour. J'ai vu un lit de cuivre et un pan de drap avec le vert de la lumière sur le blanc, là où elle le touchait. Tout ça était sombre. Lui était dans son lit. Je ne distinguais que la chemise blanche sous un gros tricot et le haut du corps adossé à deux oreillers. La figure était perdue dans l'ombre et dans le brouillard de la fumigation, complètement invisible, à part les yeux qui me regardaient. Heureusement, à côté du lit, le plateau d'argent et la petite cafetière luisaient sur leur table. Je me suis avancée, sans jeter un regard autour de moi. En sortant, je crois que j'aurais été incapable de décrire le mobilier qui m'est devenu si familier ensuite. Tout était confus dans la pénombre. J'étais trop impressionnée par ses yeux. Faut dire que j'étais pas hardie à l'époque. J'étais très enfant. J'étais plutôt craintive et au fond de moi. J'étais un peu gênée quand je suis entrée dans cette chambre qui était comme un bouchon. Tout était en liège, les murs, le plafond pour éviter le bruit. J'ai salué cette figure invisible et j'ai posé le croissant. Alors il m'a regardée et il m'a fait merci avec sa main. Il avait des gestes absolument magnifiques. Il était d'une exceptionnelle finesse et d'un exceptionnel raffinement. Et puis il y avait le mystère de cet appartement et de cet homme dans son lit, dans son silence et sa fumée. Et la chambre, qui paraissait d'autant plus grande que tout était haut dedans. Les fenêtres, les longs rideaux bleus tirés contre le jour en plein après-midi. Le plafond qui avait l'air d'être à des mètres. Et le lustre éteint qui pendait dans le brouillard. Pas une seule fois l'idée ne m'a effleuré qu'il y avait un mystère dans l'homme et dans ce monde renversé qu'était sa vie. Au contraire, j'étais attirée. Il portait en lui cette espèce de nature qu'il avait, car si son génie est immense, l'homme l'était tout autant. Et tout cela m'a fascinée. C'était Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.